Qu'est-ce que l'intuition en spiritualité? 1. Introduction à l'intuition dans la spiritualité. L'intuition, souvent considérée comme une connaissance intérieure profonde et mystérieuse, joue un rôle important dans la spiritualité. À mesure que les individus entreprennent leur voyage spirituel, ils sont attirés par l'exploration d'expériences intuitives et leur connexion à une conscience supérieure. Dans cet article, nous approfondirons l'essence de l'intuition dans la spiritualité, en cherchant à comprendre sa définition d'un point de vue spirituel. Nous explorerons le rôle vital que joue l'intuition pour faciliter la croissance personnelle, fournirons des techniques pratiques pour cultiver l'intuition, discuterons de l'importance de faire confiance et d'honorer les conseils intuitifs, examinerons l'interaction entre l'intuition et l'ego, approfondirons le lien profond entre l'intuition et la conscience supérieure. Et mettre en évidence le pouvoir transformateur de l'intuition dans l'évolution spirituelle d'une personne. Rejoignez-nous dans cette exploration éclairante de l'intuition dans la spiritualité. Comprendre l'essence de la spiritualité. La spiritualité est comme un mot fantaisiste qui revient souvent de nos jours, mais que signifie-t-il réellement? Eh bien, à la base, la spiritualité consiste à se connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il s'agit d'explorer les mystères de l'univers et de chercher un sens et un but à nos vies. Que vous croyez en une puissance supérieure, en l'univers ou simplement au pouvoir de la conscience humaine, la spiritualité est un voyage profondément personnel. Explorer le concept d'intuition. Parlons maintenant d'intuition. Vous savez, cette sensation que vous ressentez au creux de l'estomac lorsque quelque chose ne va pas? Ou cette idée soudaine qui semble surgir de nulle part et vous guide dans la prise de décision? Cela, mon ami, c'est l'intuition. C'est cette intuition, cette connaissance intérieure, ce sixième sens que nous possédons tous à un certain degré. 2. Définir l'intuition, une perspective spirituelle. Une brève histoire de l'intuition dans les traditions spirituelles. L'intuition n'est pas un concept nouveau. Il a été reconnu et célébré dans diverses traditions spirituelles à travers l'histoire. De la philosophie grecque antique à la sagesse indigène, l'intuition a été considérée comme une voie permettant d'accéder à des connaissances et à une sagesse supérieure. Alors, la prochaine fois que quelqu'un considérera votre intuition comme un simple tour de passe-passe, rappelez-lui gentiment qu'elle existe depuis des siècles. Définir l'intuition dans le contexte de la spiritualité. En spiritualité, l'intuition est souvent considérée comme une connexion directe avec notre moi supérieur ou notre intelligence divine. C'est cette voix intérieure qui murmure des conseils et des idées. Ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement expliqué ou mesuré, mais c'est quelque chose auquel nous pouvons apprendre à faire confiance et à cultiver. L'intuition en spiritualité consiste à puiser dans cette sagesse intérieure et à l'utiliser comme boussole dans notre voyage spirituel. 3. Le rôle de l'intuition dans la croissance spirituelle. L'intuition comme guide sur le chemin spirituel. Lorsque nous nous engageons dans un voyage spirituel, nous nous retrouvons souvent à chercher des réponses, à chercher de la clarté et à essayer de donner un sens au monde qui nous entoure. C'est là que l'intuition devient notre fidèle guide. Cela peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie et nous guider vers les choix et les expériences qui correspondent à notre véritable identité. Améliorer la conscience de soi grâce à l'intuition. L'intuition ne consiste pas seulement à prendre des décisions. C'est aussi un outil puissant de découverte de soi. En nous accordant à notre intuition, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos désirs. Cela peut nous aider à découvrir des vérités cachées, à faire la lumière sur des schémas inconscients et à révéler des parties de nous-mêmes que nous avons peut-être négligées ou ignorées. Essentiellement, l'intuition est comme une lampe de poche dans l'obscurité, éclairant le chemin vers la conscience de soi. Intuition et dévoilement de vérités supérieures. La spiritualité consiste souvent à rechercher des vérités supérieures et à transcender les limites de notre existence quotidienne. L'intuition joue un rôle clé dans ce processus. Cela peut nous aider à puiser dans la conscience universelle, à recevoir des informations dépassant notre compréhension rationnelle et à entrevoir l'interdépendance de toutes choses. De cette manière, l'intuition devient une passerelle vers une compréhension plus profonde de l'univers et de la place que nous y occupons. 4. Cultiver l'intuition, pratique et technique. Méditation et intuition, approfondir la connexion. La méditation est comme une arme secrète pour nourrir l'intuition. En apaisant l'esprit et en augmentant notre conscience, nous créons un espace permettant aux idées intuitives de remonter à la surface. La pratique régulière de la méditation peut nous aider à cultiver un profond sentiment de calme intérieur et d'harmonisation, permettant à l'intuition de circuler plus facilement. Journalisation intuitive, un chemin vers la découverte de soi. Prenez un stylo et un cahier, car la tenue d'un journal intuitif est un moyen fantastique d'exploiter votre intuition. En écrivant librement, sans jugement ni analyse, nous pouvons accéder à la sagesse qui sommeille en nous. C'est comme avoir une conversation avec votre moi supérieur, démêler des pensées, des sentiments et des idées qui autrement seraient restées cachées. Développer une sensibilité intuitive grâce au travail énergétique. Les travaux énergétiques, comme le Reiki ou le Qigong, peuvent nous aider à affiner notre sensibilité intuitive. En travaillant avec l'énergie subtile qui circule à travers notre corps et l'univers, nous devenons plus à l'écoute des messages et des sensations qui proviennent de l'intérieur. Le travail énergétique peut également nous aider à libérer les blocages et à cultiver un état de conscience plus expansif, créant ainsi l'environnement parfait pour que l'intuition s'épanouisse. Ainsi, mon ami, l'intuition en spiritualité consiste à puiser dans cette connaissance intérieure, à écouter les murmures de notre âme et à utiliser notre sixième sens pour naviguer dans le voyage de la vie. C'est un outil puissant pour la découverte de soi, la croissance et la connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Faites confiance à votre instinct et laissez-vous guider par votre intuition. 5. Faire confiance et honorer les conseils intuitifs. L'importance de faire confiance à votre intuition. Faire confiance à votre intuition, c'est comme avoir un ami sage et fiable qui a toujours à cœur votre meilleur intérêt. C'est ce sentiment instinctif, cette connaissance intérieure qui vous guide dans la prise de décision et dans la navigation dans la vie. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, vous accédez à un niveau de sagesse plus profond qui va au-delà de la logique et de la raison. Il s'agit d'accepter les murmures de votre âme et d'avoir foi dans les conseils qu'elle vous fournit. Discerner l'intuition à partir d'autres voies intérieures. Parfois, il peut être difficile de faire la différence entre votre intuition et d'autres voies intérieures, comme la peur ou les voies de notre mental. L'intuition apparaît souvent comme une voix calme et claire, tandis que la peur peut être forte et remplie de doutes. Faites attention aux signaux et sensations subtiles qui accompagnent vos idées intuitives. Avec de la pratique, vous pouvez apprendre à reconnaître et à faire confiance à la voix de l'intuition au milieu du bruit de votre esprit. Surmonter le doute et renforcer la confiance intuitive. Le doute peut être un compagnon constant lorsqu'il s'agit de s'appuyer sur votre intuition. Cependant, en adoptant un état d'esprit curieux et ouvert, vous pouvez commencer à renforcer votre confiance intuitive. N'oubliez pas que l'intuition ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à accéder à une sagesse plus profonde. Commencez par de petites décisions et observez les résultats lorsque vous suivez votre intuition. Au fil du temps, votre confiance dans vos conseils intuitifs grandira, vous permettant de faire des choix plus alignés. 6. Intuition contre ego, naviguer dans la voie intérieure. Comprendre la différence entre l'intuition et l'ego. Votre ego aime avoir son mot à dire dans votre processus de prise de décision, souvent motivé par les peurs, les désirs et les conditionnements sociétaux. L'intuition, quant à elle, vient d'un lieu de connaissance intérieure et de connexion avec votre moi supérieur. Il est important de discerner entre les deux voies pour faire des choix qui correspondent à votre moi authentique et à votre objectif plus profond. Reconnaître et surmonter les blocages d'intuition basés sur l'ego. Les blocages d'intuition basés sur l'ego peuvent brouiller votre prise de décision et vous égarer. Ces blocages se manifestent souvent par un doute de soi, une réflexion excessive ou une recherche de validation auprès des autres. Pour surmonter ces blocages, pratiquez la conscience de soi et cultivez un sentiment de quiétude intérieure. En atténuant le bruit de l'ego, vous pouvez accéder plus efficacement à la clarté et aux conseils de votre intuition. Harmoniser l'intuition et la pensée rationnelle. L'intuition et la pensée rationnelle ne doivent pas nécessairement être en contradiction. En fait, ils peuvent travailler ensemble harmonieusement. Alors que l'intuition fournit des informations venant des profondeurs de votre être, la pensée rationnelle vous aide à analyser et à évaluer les options. En trouvant un équilibre entre les deux, vous pouvez prendre des décisions qui sont non seulement alignées sur votre orientation intérieure, mais également pratiques et ancrées dans la réalité. 7. Intuition et connexion à la conscience supérieure. L'intuition comme passerelle vers la direction divine. L'intuition offre une connexion directe avec les royaumes divins et supérieurs de la conscience. C'est un pont qui vous permet d'accéder à la sagesse universelle et de recevoir des conseils au-delà de votre perspective limitée. En embrassant votre intuition, vous vous ouvrez à un monde d'idées, de synchronicités et de messages divins qui peuvent soutenir et éclairer votre voyage spirituel. Idées intuitives et conscience collective. L'intuition s'étend au-delà de votre expérience individuelle. Elle est profondément liée à la conscience collective de l'humanité. Lorsque vous écoutez votre intuition, non seulement vous en bénéficiez, mais vous contribuez également à la sagesse collective et à l'évolution de la conscience. Faire confiance à vos idées intuitives peut conduire à des connexions profondes, à des idées et à des expériences transformatrices qui se répercutent sur le monde. Intuition en alignement avec les lois universelles. L'intuition fonctionne en harmonie avec les lois universelles qui régissent l'univers. Lorsque vous alignez votre guidance intuitive sur ces lois, vous exploitez le flux d'abondance, de synchronicité et de croissance spirituelle. En honorant votre intuition, vous vous accordez à l'ordre divin du cosmos et vous vous retrouvez dans un état d'alignement et d'aisance accrue. 8. Le pouvoir de l'intuition dans la transformation personnelle. Utilisez l'intuition pour l'auto-guérison et la transformation intérieure. L'intuition est un outil puissant d'auto-guérison et de transformation intérieure. En écoutant votre intuition, vous pouvez découvrir des croyances profondément ancrées, des blessures émotionnelles et des domaines de croissance qui nécessitent une attention particulière. Il vous guide vers des pratiques, des thérapies ou des modalités qui peuvent soutenir votre parcours de guérison, conduisant à de profondes transformations personnelles. Intuition et manifestation, co-créez votre réalité. L'intuition joue un rôle crucial dans la manifestation. En suivant vos conseils intuitifs, vous vous alignez sur les désirs et les visions de votre âme. Votre intuition vous guide vers des actions inspirées et des opportunités en accord avec vos intentions. En faisant confiance à votre intuition et en agissant selon elle, vous devenez un co-créateur actif de votre réalité, manifestant vos désirs les plus profonds et votre potentiel le plus élevé. L'intuition comme outil pour prendre des décisions alignées sur l'âme. Votre intuition est particulièrement adaptée au but et au bien le plus élevé de votre âme. Il sert de boussole, vous guidant vers des décisions qui sont en accord avec votre moi authentique. En consultant votre intuition, vous pouvez faire des choix qui honorent vos valeurs, vos passions et vos véritables désirs. Faire confiance à votre intuition vous permet de naviguer dans les rebondissements de la vie avec grâce et confiance, sachant que vous suivez le chemin qui résonne avec votre âme. En conclusion, adopter et développer l'intuition est un aspect puissant de la spiritualité. À mesure que nous approfondissons notre compréhension et notre connexion avec l'intuition, nous ouvrons une source profonde de conseils et de sagesse. En cultivant la confiance dans nos idées intuitives, en naviguant dans l'équilibre délicat entre l'intuition et l'ego et en favorisant une connexion avec une conscience supérieure, nous pouvons expérimenter une transformation personnelle et un alignement avec notre véritable moi. Laissez l'intuition être une force directrice sur votre chemin spirituel, lui permettant d'éclairer votre voyage et de vous conduire vers une vie remplie de clarté, de but et de connexion divine. FAQ 1. Peut-on développer son intuition en spiritualité? Oui, absolument. L'intuition est une capacité innée que chacun possède. Cela peut être plus important chez certaines personnes, mais avec de la pratique et du dévouement, n'importe qui peut améliorer et développer ses compétences intuitives. 2. Comment puis-je faire la différence entre l'intuition et les pensées ou émotions ordinaires? Distinguer l'intuition des pensées ou émotions ordinaires peut être difficile, mais cela peut être fait grâce à la conscience de soi et au discernement. L'intuition apparaît souvent comme une connaissance calme et subtile qui vient d'un lieu de sagesse intérieure. Apprendre à reconnaître les signes, comme un sentiment de certitude ou un alignement avec vos valeurs les plus profondes, peut vous aider à distinguer la véritable intuition des autres bruits mentaux. 3. L'intuition est-elle en conflit avec la pensée rationnelle? Non, l'intuition et la pensée rationnelle ne sont pas nécessairement en conflit. Au lieu de cela, ils peuvent se compléter. L'intuition nous fournit des informations et des conseils plus profonds, tandis que la pensée rationnelle nous aide à analyser et à prendre des décisions logiques. En intégrant les deux, nous pouvons faire des choix plus holistiques et plus éclairés. 4. Comment puis-je faire davantage confiance à mon intuition dans mon cheminement spirituel? Faire confiance à votre intuition est un processus progressif qui s'accompagne de pratiques et d'expériences. Commencez par accorder plus d'attention à vos coups de pouce intuitifs et agissez en conséquence, même de manière modeste. Au fur et à mesure que vous constaterez des résultats positifs et un alignement avec votre croissance spirituelle, votre confiance en l'intuition s'approfondira naturellement. Cultiver la confiance en soi et l'alignement intérieur soutiendra également votre capacité à faire confiance à vos conseils intuitifs. Page 39, nous allons voir quels instruments peuvent nous aider à percevoir des entités. Page 39.